âme nuise, c'est là que le diable arrive. Pour qu'une autre âme nuise, il pactise pourtant pas de méprise. La terre promise qu'il propose vise une autre entreprise. Briser le reste de couleur dans l'iris vient dans ses allées grises. Allez viens, prends mon passage, lège la rage, mon sortilège, gageolera tes joues, pas de piège, non. Ne pense pas que je joue, je t'offre un nouveau jour en échange. Tu seras sous mon joug, tu seras sous mon joug. Allez, sois mon nouveau cobaye, je t'offre la clé, le signe de bail. Reviens dans les allées de tes lullabies, comment comptes-tu changer les rails? Allez, sois mon nouveau cobaye, je t'offre la clé, le signe de bail. Reviens dans les allées de tes lullabies, comment comptes-tu changer les rails? Hier pendant déjà les galeries des amanteurs, il se laisse éblouir et s'offre à son nouveau mentor. Tu sais admettre qu'il y a quelque chose qui vit encore. Allez, de tes loups là-bas, comment comptes-tu changer les rails?